quand il dit à son père et à son peuple : Que sont ces statuts auxquels vous vous attachez ?